Je me réveille mal mais j'ai bien des envies meurtrières. Tu vas suivre le fil d'Ariane. Je me fous ta lueur ténébreux, je n'ai plus de barrière. Nique leur mère, je n'ai plus de barrio. Tout ça arabe sur lequel ils ont pas parié. Je fais la guerre et que chacun se mêle. Je vais déployer violence, guitare et violon. Ils vont retourner dans la chatte à leur mère, hein. Je me réveille, j'ai la barre à la baramine. Je descends en bas, je haram les haramis. On est vendeur de canaco calamette. On est fumeur de sauce, là on se canalise. Le produit colle aux doigts comme le caramel. La salope va se cambrer comme Carmen. Tu connais pas les frérots, le tarot mec. On n'est pas remec, le compte de ta remet. On n'est pas remec, le compte de ta remet. Frérot connaisse vrai, mais moi je t'ai pas remis. On inverse la vapeur avec la résine. Des rames à la mafia, ramène parisi. Ramène champagne, carba et parisi. Ramène champagne, carba et parisi. Tu sens tirer la misère par ici. Je vends dans ta raison, non, je suis pas paresseux. T'inquiète pas, j'ai pas de projet qui se perd. Juste avant l'album, y'a la mixtape. J'suis revenu, j'du bled à la Dexter. Ils m'ont dit, oui, t'es un expert. J'fais pas exprès, qu'est-ce que t'espères? J'fais trembler internet avec extrait. J'parle aux voyants du ghetto en esprit. J'suis roi sans couronne à la Nesbill. À deux doigts d'écraser leur messe basse. T'inquiète, j'ai la solution dans l'ordi. J'envoie ton rappeur à la mode, à la morgue. Et j'ai monté mon label comme Nordine. J'en ai eu la preuve, ils me connaissent pas. Savent pas à quel point j'peux être sordide. Cette année, mes démons sont sortis. Cette année, j'vais leur faire un bordel. J'ai gravé Nina sur le Beretta. J'suis certifié sans faire du reggaeton. Bien sûr, j'peux la baiser comme Vegeta. J'en fais des thunes pendant que t'en fais des tonnes. Petite conne, viens jouer, j'vais briser ton petit cœur. J'en connais des dangereux au petit corps qui sont calibrés même au biscuit. J'suis focalisé sur le bif gras. Parce que traumatisé par la miséria. Dans la deuxième cachette, à la Saint-Simia. Je retourne la première car la mise est niée. Miser sur ma vie tous les jours, c'est des coups de poker. C'est des filles et des fils de putain, hein. C'est décidé, j'les ferai plus tard. Avant ça, j'récupère le butin.